Bienvenue dans le feed. Je n'aurais jamais croisé son regard depuis que c'est fini. Bienvenue dans le vide. Je n'aurais jamais lu dans ses yeux cet amour dévasté que j'ai tué, que j'ai broyé. Bien malgré moi, mais on ne pardonne pas quand on n'aime pas, quand on n'aime pas. Bienvenue dans le vide. Depuis, elle m'a écrit des mots si durs. Mon cœur chavire encore, mais c'est moi qui broie. Bienvenue dans le vide. Il m'accueille à bras ouverts pour un amour qui n'était qu'une erreur. Je l'ai broyé bien malgré moi. Elle ne me pardonnera pas car elle ne m'aime pas. Elle ne m'aime pas. Bienvenue dans le vide. Ici, tous les azurs sont doux. Je me persuade que de tout je m'en fous. Car j'ai tout broyé, bien malgré moi. On ne pardonnera pas.